Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tukona salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous vous souhaitons les riches bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko nemitakia mabaraka utajiri mujina la Yesu Kristo. Souvent quand nous séparons dimanche, kila mara mwakati tunajitenga siku ya yenga. La journée de lundi qui nous sépare. Siku ya kazimoya inetuachanishaka. Avec le culte prochain. Na ile ibada itafata. Est semblable à une éternité. Inikaraka pamoya na miaka milele na milele. Pour nous qui aimons la parole de Dieu. Kwetushie benye kupenda neno la Mungu. Nous qui aimons voir les frères et les sœurs. Si tunapendaka kona banduku na badala yetu. La présence de chacun de nous nous fortifie. Wepu ya kila mmoja inekaraka mkututia nguvu. Comme Dieu aime la communion. Paka vile Mungu anapendaka ushiriki. Ses enfants aussi aiment la communion. Batoto wake na bo wanapendaka ushiriki. Et c'est un désir qui se trouve dans chaque frère, chaque sœur. Ile nia unapatikana ndani ya kila nduku na kila dada. Lorsque vous remarquez un frère ou une sœur qui s'absente au réunion de prière, wakati ile munona nduku wala dada eko na lofa kumsikaniko wa maombi, et il n'a pas de remords dans son cœur, na ashuzunike ko ndani yake, c'est un signe qui ne trompe pas, ni alama yenye idanganyaki, il n'est pas né dans notre famille, ya kwamba ayazalikwa mujama yetu. Quand on est né en Christ, wakati unazalikwa ndani ya Kristo, chacun brûle. Kila mmoja wetu anekalaka iko na waka. Je n'ai pas vu telle sœur. Mishikone dada fulani. Je n'ai pas vu tel frère. Tuku fulani mishimone. Nous n'avons pas communié avec lui. Atukushiriki pamoja naye. Cela est une préoccupation. Ile ni maombi. Ça devient une préoccupation. Nakuwa ngaiko yako. C'est pourquoi. Chukua mana. Il faut aimer la communion. Inafai kupenda ushirika. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome neno. Nous lisons dans Ephésiens au chapitre 1. Tunasoma mukitabu kwa Efeso sura ya kwanza. Ephésiens au chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Dans son verset 3 et 4. Mustari yake ya tatu na ya ine. Seigneur, nous élevons nos cœurs et nos mains. Bwana tunanyanyua mioyo yetu na mikono yetu. Vers toi le plus élevé. Kwako we wa juu kabisa. Toi El Elyon. Weye El Elyon. Toi qui connais toutes choses. We mwenye kujua vitu vyote. Tu nous as vu depuis l'éternité. Nitangiamu milele ulituonaka. Que ce soir nous serons ici. Ya kwamba imangaribi tutakuya hapa. De ta parole. Kandu kandu ya neno lako. Seigneur. Bwana. Descends. Shuka. Et bénis chaque frère, chaque sœur. Na ubariki kila nduku na kila dada. Comme toi tu es le grand potier. Savile weye ukufinyangaji mkubwa. Nous nous sommes de l'argile entre tes mains. Na ni bulongo ndani ya mikono yako. Viens œuvrer sur notre âme. Shuka na ukotumike nafsi yetu. Viens œuvrer sur notre esprit. Uya utumike roho yetu. Viens œuvrer dans nos corps. Utumike ndani ya mili yetu. Nous voulons sur tout le plan. Tunapenda manamna yote. Te ressembler. Tupate kukufanana. Et refléter ce que toi tu avais vu en nous. Kuonekanisha kenye ulionaka ndani yetu. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Bénis mes frères. Bariki wa nduku yangu. Bénis mes sœurs. Bariki wa dada yangu. Bénis les frères et les sœurs qui sont en ligne. Banduku na badada be kumtandao. Accorde-les la grâce. Bapache tena neema. Seigneur. Bwana. D'être aussi élevé en Christ comme nous. Donne-nous un entendement meilleur. Guéris les malades au milieu de nous. Oh, de la confusion. Dans ceux qui sont dans la confusion. Accorde-nous un salut. pour la gloire de ton nom. Bénis ta parole. Et assiste-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Tu n'as combat ici. Amen. Amen. Éphésiens au chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Dans son verset 3 et 4. Mumustari ya tatu na ine. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ula tubariki na aina yote ya mabaraka pale pa mbingu ndani ya Kristo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu atuteula mbele ya misingi ya dunia. Alitu chakula. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Kusudi tupate kuwa takatifu na bila kemeo mbele yake. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomea neno lake. La sœur Lily. Da Lily. C'est la belle sœur de notre frère Albert Docteur. Tiemeki yake ya nduku wetu Albert Munganga. Vous a salué tous avec beaucoup de joie. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé longuement du bureau d'études de Dieu. Tulisemezea wakati mrefu yulu ya ile ofisi ya majifunzo ya Mungu. Que la Bible appelle le conseil de sa volonté. Il est biblique qu'on a établi shauri ya mapenzi yake. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dans ce bureau. Na tuliona ile yote pitikana mwile ofisi. Toutes les discussions qu'il y a eu entre la pensée de Dieu. Il est masumuzo yote ilikuwa katikati ya mawazo ya Mungu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. La préscience de Dieu. Kutangulia kufahamu kwa Mungu. Vis-à-vis du libre arbitre de l'homme. Bele ya ile uhuru ya kuchakula ya mtu. Et la décision finale qui a été arrêté après une longue étude. Kisha ile majifunzo mrefu na mpango wa mwisho ilibebwa mbele ya uhuru ya kuchakula mtu. Après que la sagesse et l'intelligence de Dieu aient harmonisé toutes choses. Kisha hekima na akili ya Mungu ipate kutengeneza vitu vyote. Dieu avait décidé. Mungu alichukua sa mipango. De respecter la volonté de Dieu. Ya kuheshimia mapenzi yake. De respecter la volonté de l'homme. Kuheshimia mapenzi ya mtu. De respecter ce que la préscience avait vu. Na kuheshimia ile kutangulia kufahamu kulionaka. Et de respecter ce que la pensée avait conçu. Na kuheshimia ile wazo litungaka. Et tout fut harmonisé. Na bitu biote bikaweka katika usawa. Pour que chaque chose que Dieu avait conçue. Kusudi kila kitu kenye Mungu alitungaka. Puisse s'accomplir sans faille. Kipate kutimilika bila kukosa. Lorsque le temps viendrait. Mwakati ile itafika. C'est ça le travail du conseil de sa volonté. Ndio kazi ya shauri ya mapenzi yake. Depuis l'éternité. Tangia milele. Dieu par sa préscience. Mungu kupitia kutangulia kufahamu kwake. Ouvrit la voie. Akafungula njia. La voie du salut dia ukovu à tous ceux qui désiraient être sauvés. Ya jua bale bote batatamania kokolewa. Il faut avoir le désir du salut en vous. Na fazali ukue na nia ya kukolewa ndani yako. Pour recevoir la grâce du Seigneur. Kusudi upate kupokea neema ya Mungu. Pour être secouru dans votre désir. Juba kusaidie mwile nia yako. Afin d'expérimenter le véritable salut. Kusudi upate kuonja okofu ya kweli. Tous ces hommes et toutes ces femmes que Dieu avait vus depuis l'éternité. Abatu bote Mungu arionaka tangia milele. Qui dans leur cœur désirait le véritable salut. Bale ndani ya moyo wabo barianza kutamani okofu ya kweli. Mais ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à ce salut ou de se sauver eux-mêmes. Lakini abakwena namna ya kupata ile okovu wala kujiokoa bo benyewe. Faites très attention. Réveillez-vous. Tous ces hommes et toutes ces femmes. Banaume bote na banamuke bote. Que Dieu avait vu avec le désir d'être sauvé. Bale Mungu arionaka na ile nia ya kokolewa. N'avait pas le pouvoir de se sauver. Abakwe na ile uwezo ya kujiokoa. N'avait pas un autre moyen de se sauver. Abakukuye na namna ingine juba jipate kujiokoa. Il n'avait pas la possibilité de se sauver. Abakwe na namna ya kujiokoa. Ou d'être sauvé. Wala ya kokolewa. Mais le désir. Mais lakini nia. Était en eux. Ilikuya ndani yabo ya kokolewa. Tu peux avoir, tu peux désirer de manger la viande de bœuf. Unezi kutamania kula nyama ya ngombe. Même si la viande de bœuf est au marché. Hata kama ile nyama ya ngombe iko musoko. Mais si tu n'as aucun franc. Kama hauna hata na franga moya. Dans ta poche. Ndani ya mfuko yako. Vas-tu manger la viande de bœuf? Et tu takula ile nyama ya ngombe? Non. Hapana. Tu désires. On a ta mania. Tu as faim. On a njala. Tu aimes manger la viande. On a peine d'accourir à nyama en ngombe. Tu n'as pas de possibilité. Mais lakini, namna ya kuchununua ile ngombe, auna nayo. Il faut que le secours vienne d'ailleurs. Inafadhali sasa musaada itoke kwa mtu mwingine. Soit c'est celui qui a la viande de bœuf. Ah, ça signe ni où le moyen qu'on a ouïché les nyama en gros. Ah, qui peut t'offrir, qui peut te faire un don. Anezi kukupa ko sa zawadi. Ou quelqu'un de bonne volonté. Voilà, muto mapenzi mzuri. Peut vous l'acheter, vous l'offrir. Ou le anezi kukuznununia na kupatia yo. Et à ce moment-là, vous mangerez la viande de bœuf. Na mwile wakati, jo takula sa nyama en ngombe. Vous désirez avoir une voiture. Weye, unapenda kuya na gari. Tu n'as ni travail. Kazi auna. Tu n'as ni argent. Feza auna. Tu vis dans de grandes difficultés. Uku naiki. Et vous éprouvez de grandes difficultés dans la vie. Na, uku napitia magumu kabisa maisha. Tu n'as pas de moyens. Namna auna nayo. Mais vous désirez avoir un véhicule. Votre désir ne t'offre pas le véhicule, bien que vous le désirez. Si toi tu n'as pas de possibilité, on peut te l'offrir. C'est un don que vous recevez. L'Église est avec moi. Les désirs, avant que je ne parle de l'élection de Dieu. Les désirs. Nia. Qu'Elohim avait vu dans les croyants, dans les hommes et les femmes. Il est Elohim arunaka ndani ya baminifu banaume na banamuke. Ne venait pas de Dieu. Aikutoke kwa Mungu. Ce n'est pas Dieu qui avait placé ses désirs dans ces hommes et ces femmes. Aina Mungu arekaka ile nia ndani ya banaume na banamuke. Je reprends. Mina rudiriam. Ces désirs. Ile nia ya kokolewa. Ces désirs d'être sauvé. Ile nia ya kokolewa. Que Dieu avait vu. Dans les hommes et les femmes dani ya banaume na banamuke, qui seraient sur la terre bale watakuya pa dunia, lorsque le plan de Dieu serait présenté, wakati le mapu ya Mungu itaonekana, ce désir-là ile nia, ne venait pas de Dieu. Aitoke kwa Mungu. Ce n'est pas Dieu aina Mungu qui avait placé ses désirs dans ces hommes et ces femmes dani ya bale banaume na banamuke, qui aimaient le salut. Bale balipenda okovu. Non. Apana. Sinon Dieu serait injuste. Kama ni vile Mungu alipashi kwa mzalimu wa mchakuzi. Parce que la préscience avait déjà vu une partie des hommes sauvés et une partie non sauvée. Et pourtant, tous les hommes, Dieu les avait mis sur la même base, dans les mêmes conditions. Si Dieu avait mis ses désirs dans certains hommes et certaines femmes et sans les mettre dans d'autres personnes, Dieu serait injuste. Et Dieu en tant que juste, na Mungu sa mwenye haki, la source de la justice, chemchemu ya uhaki, il ne pouvait pas le faire. Asikuwezi kuifanya. Ce désir là que Elohim avait vu, il est nia Elohim alionaka, venait des hommes eux-mêmes. Ilianza kutokia ndani ya batu bo benyewe. Comment ça? Namna kani? C'est moi parler libre arbitre. Ni kupitia ile uhuru yabo ya kuchakula. C'est la manière qu'il exerçait le libre arbitre. Ni munana ile baanza kutumikia ile uhuru yabo ya kuchakula. Ils ont désiré jo baritamania le salut ukovu, en reconnaissant qu'ils étaient perdus. Mukutambua kwamba walikuwa washapotea. Tout le monde sur la terre avait reconnu qu'ils étaient perdus. Mukutambua kwamba walishapotea. Mais tous malakini bote ne désiraient pas les saluts. Aba kwanze kutamania okovu. Pourquoi? Dieu a nini? À cause de la liberté de leur volonté. Dieu ya ile uhuru ya mapenzi yabo. Elohim avait vu. Elohim arionaka. Que ceux qui seraient rejetés. Ya kwamba bale batakataliwa. Ce sont les hommes et les femmes. Ni banaume na banamuke. Qui n'avaient pas exercé leur volonté correctement. Bale abakutumikishe uru yabo wala mapenzi yabo mzuri. Selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Le terme ici élu. I musemo uchakuliwa. Élire, être élu. Uchakuliwa. Ou l'élection. Wala uchakuzi. Même le terme, la prédestination, comme nous allons le voir. Ata musemonye kutanguria kutayarishwa pale tuiona. Ce ne sont pas des termes. Aina misemu. Qu'on doit utiliser dans une église des hommes et des femmes qui ne sont pas enseignés. Aituwezi kutumikisha imisemo mukanisa ile batu wanamuke ya mamume abayafundishiwa. Souvent, même les éminents prédicateurs na za samwa na baubiri benyewe les éminents prédicateurs. Même des philosophes ne comprennent pas correctement le terme élection. La plupart comprend ou voit dans l'élection l'injustice de Dieu. Ah, uzalimu wala uchakuzi ya Mungu. Pour certains, kwa bengine, ils pensent bobe unazania kwamba que Dieu a dit et kwamba Mungu alisema mwamba je te sauverai. Mwamba weye mitakuokoa. Peu importe. Aizuru hilo tafanya. Je vais te sauver. Mimi nitakuokoa. Chimanga. Chimanga. Toi, je ne te sauverai pas. Weye sitakuokoaka. Et toi, Kapinga. Na weye Kapinga. Je vais te sauver. Nitakuokoa. Mais toi, Tchala. Na weye Tchala. Je ne t'aime pas, tu ne seras pas sauvé. Mishkupende auta okolewa. Non. Apana. Ce n'est pas comme ça que l'élection de Dieu s'est passée. Aina vile uchakuzi ya Mungu lanza fanchika. C'est pourquoi vous voyez. Jukwamana munaona. Je prends tout mon temps pour vous parler de ces choses. Nuna beba wakati wote joku miambia ibintu. Parce que ce n'est pas du lait. Sababu aina maziwa. Non, bien-aimés frères. Apana ndugu mpendwa. C'est même la source de plusieurs doctrines. Njo penye peko chemchemu ya mafundisho ya kwa beaucoup de gens ont été égarés. Batu ba mingi baripotea. Parce qu'ils n'ont pas compris. Sababu abakuelewe. L'élection de Dieu. Uchakuzi ya Mungu. C'est vrai frère. Ah, ndia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada yangu. Une chose est certaine. Dieu n'a jamais fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dieu n'a pas dit. José, je te rejette. Goï, je te prends. Goï, non. Apana. Chacun de nous moja wetu a choisi, a ouvert la, a ouvert la voie njia au Seigneur. Njia. Il a ouvert la voie au Seigneur njia buana, lui permettant il est amurusu, d'agir apate kutenda, sur base de son choix. Kufatana na ile uchakuzi. Du base du choix de l'homme. Kufatana na ile uchakuzi ya mutu. Comme Dieu ne peut pas agir contre la volonté de quelqu'un. Kabla Mungu awezi kutenda inja mapenzi ya mutu. Dieu n'a fait qu'accepter. Mungu aliitika tu. Le choix. Le désir. Na et la volonté. Na mapenzi. De tout homme. Ya kila mutu. C'est ce que Dieu a fait. Jo ile Mungu alifanya. L'élection uchakuzi est le type du bureau des commandes de Dieu. Jo mufano ya ofisi ya kuongoza ya Mungu. Là où il y a des ateliers, mule mwenye munakuya ma atelier, il y a les bureaux, les bureaux planning, munakuya ofisi ya kutengereza, comme nous l'avons déjà montré. Pavle tunisha yonesha. Là, l'élection de Dieu uchakuzi ya Mungu est venue après la libération du conseil de la volonté de Dieu. Ilikuya kisha kutosha shauri ya mapenzi ya Mungu. Est venue après la délibération. Ilikuya kisha kubeba mipango. Après qu'il y ait étude dans les bureaux d'études, majifunzo mule mu ofisi ya majifunzo, après qu'il y ait discussion pour harmoniser tous les éléments que la préscience avait présenté. Kisha masungumuzo njoo ya kutengeneza ile mambo yote kutangulia kufahamu kuliona. Et pour écarter toute forme de divergence en Dieu. Na njoo ya kuweka pembeni aina yote. Parce que tout ce que Dieu ile yote Mungu fait est parfait. Eko nafanya biko kamilifu. Il fallait qu'il y ait une décision parfaite qui ne rendra pas Dieu responsable. Aitafanya Mungu apate kuya mwenye bubaya. Responsable de la perdition de quelqu'un. Ya kupotea kwa mutu. Kupotea kwa mutu. La perdition de l'homme. Hakuna mubujito ya Mungu hapana. Dans la responsabilité de Dieu, non et non. C'est la raison fondamentale du conseil de la volonté de Dieu. Sababu yenye msingi ya shauri ya mapenzi ya Mungu. Parce que Dieu ne voulait pas être responsable de la perdition de quelqu'un. Akupende abebe bujito ya kupotea kwa mutu. Quand le conseil de sa volonté est entré dans la délibération, comme nous l'avons déjà montré, c'était pour harmoniser toutes choses pour que Dieu soit Dieu, pour que Dieu soit parfait, pour que les mensonges n'apparaissent pas en Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qui se réalise. C'est vrai. Et comme nous l'avons montré, ce n'est pas le moyen. C'est la préscience de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. De l'intelligence. Tout en tenant compte de la volonté de Dieu et du libre arbitre de l'homme. Dieu a décidé de lire tous les hommes sur base de la préscience. Tout en respectant leur libre arbitre. L'église est avec moi. Nous ne sommes pas élus selon la volonté de Dieu. Non. Nous n'avons jamais été élus selon la volonté de Dieu. Nous avons été élus sur base de la préscience de Dieu. La préscience de Dieu nous avait vu ce que nous ferions sur la terre avec la parole de Dieu, avec les plans de Dieu. C'est vrai. Dieu ne sera jamais responsable de quelqu'un. Non, frère. Ce sont les gens qui comprennent mal cela. S'il avait élu les gens sur base de sa volonté, à ce moment-là, Dieu serait injuste et n'aurait pas le droit de condamner un homme. Non, bien-aimé frère. C'est pourquoi les apôtres qui avaient bien compris le Seigneur et qui avaient reçu la révélation de toute la parole ont enseigné les choses correctement. C'est vrai. 1 Pierre au chapitre 1. Dans son verset 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts. Dans la galaxie, La Cappadoce, en Asie, Moazia, et la Bithynie, na Mule Mubitini, et qui sont élus na benye kutakuliwa, selon la préscience de Dieu le Père. Wa Mungu Baba. Le Dieu le Père dont on parle ici, Mungu Baba, apa, c'est Elohim. Elohim. Qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix salama, vous soit multipliée. Comme tout homme est pécheur, dans l'élection, aucune bonne œuvre ne pouvait compter. Dans les conditions d'élection, dans le bureau d'études, dans le procès de sa volonté, Dieu n'a pas tenu compte des bonnes œuvres des gens dans son élection. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Pourquoi les bonnes œuvres n'ont pas été tenues en compte? C'est parce que dans la présence de Dieu, Dieu avait vu dans le groupe de ceux qui acceptaient, ceux qui désiraient le salut, il y avait les bons et les méchants. Et dans les groupes de ceux qui rejetaient les saluts, qui ne désiraient pas les saluts, il y avait aussi les bons et les méchants. Que Dieu vous bénisse. Dieu, l'Église est avec moi. Les bonnes œuvres. Elohim ne les a pas retenus. Elohim akuyangarie dans les critères de l'élection des gens. Ile inangaria uchakula batu. Pourquoi? Dieu anime. Parce que dans les grands groupes qui se sont dessinés sur la terre. Ile irijipweka padunia. Parmi les groupes de ceux qui ont désiré et qui aimaient, qui acceptaient les saluts, il y avait les bons et les méchants. Et dans le groupe de ceux qui rejetaient les saluts, qui ne désiraient pas les saluts, il y avait aussi les bons et les méchants. C'est pourquoi ce critère ne tenait pas debout dans le conseil de sa volonté. Dans ce monde ici, il y a des païens. Ce qui concerne la charité, ils ont un bon cœur. Même bas frères, bas mingi, bas hypocrites, bas sœurs. La plupart des frères hypocrites qui s'appellent enfants de Dieu. Dans le monde ici des païens, il y a de ces hommes. Si il veut être en paix avec tout le monde, ni mwanamuke na mwanaume wa shipochoyo qui donne qui aendake mukanisa ne fréquente pas l'église, ayue mungu ne connaît pas Dieu, Kama unamwambia mambo ya Mungu, ipende. Anasema, nitafuata mukanisa nini? Bale leko nenda mukanisa, banapenda wakue bazuri. Niba mwinji, niba ndumba, niba ndo machuki, niba kuwana. Mie luangu, shendake mukanisa, nisha uwaka mundu. Shikombanake na bandu. Mishimaki bantu biakuria. Déjà mina saidia kana bashege. Si supporta ki wona mundu anateswa. Roho yangu inafurahiwa. Ile miko nayo mita mupatie. Je partage. Miko beba bibi wa benyewe. Hapana. Jamais. Tenda mkanisa nini? Pourquoi je peux aller à l'église? Mina jose kubeba bibi wa benyewe ni kijila. La femme d'autrui c'est l'interdit. Je ne peux pas prendre la un mari d'autrui, une femme d'autrui, non. Kubeba kitu ya benyewe hapana. Je dois travailler de même mains. Kutumika na mikono yangu. Ah, ana ta mukanisa. Ni mufumu. Sans kambo yangu bwana kujie. Comme mon grand-père. Quand il faisait les fétiches, je donne cet exemple-là. Un païen, pagano, sa femme était prophétesse. Il invoquait des esprits, des démons qui descendaient. Quand les démons descendaient, lui commençait à parler en langue et sa femme interprétait. Et nous, on était là avec les Michakalaka, avec des Kaolins. Vous voyez bien, mes frères, vous pouvez asperger afin de sanctifier les esprits. Quand quelqu'un venait lui dire, mina penda on y pache dawa, yakuwa muntu fulani, la première question, arikufuanya nini? Parce que ils appellent, je suis habité par les esprits saints. On a qui la Bible qu'on a son proverbe. Une malédiction sans cause et sans effet est nulle. Quelqu'un qui t'a maudit, il n'y a rien que tu as fait. Mais ça c'est du bruit. Mais il est matelé le tout. Tu n'amènes à rien. Frère, dans ce monde ici, il y a des femmes. Barizari kwa bubikira. Barachunga bubikira yabo. Elles ont gardé leur virginité. Kupita hii mademo tuko na yuko na bunda bubikira mkanisa. Les démons que nous avons dans la vie en train de briser leur virginité. Mupagano na chunga. Frère. Nuku. Il y a des femmes païennes. Nuku badnamu ki ba pagano. Tangwa rizari kwa. Depuis son essence. Banamowa. Elle entre dans le ule bwana yake ule. Anavunda bubikira yake. Son mari qui a brisé sa virginité. Na anabakia naye. Elle restera la fin de sa avec vie. Cet homme kufika na mwisho wa maisha yake. Na vile anakufa. Et à sa mort. Ayue bwana mwingine. Elle n'a jamais. Na yatamani aka bwana wa mtu mwingine. Et elle n'a jamais envié un autre homme. Donc. C'est ce qu'on va faire à part. Nous avons de badada ici. Que Dieu nous assiste tellement. Si on a des frères ici qui vous font les choses. Sont des démons. Ni ma démona. Couche avec une belle sœur. Couche avec ni ma boyatari. C'est pourquoi les bonnes choses. Matendo mzuri. Ba frère wa machoyo hapa na ba sœur wa machoyo. La varice et le sœur. Ils sont pleins. Les bonnes œuvres Matenomzuri n'ont jamais été une condition dans l'élection. C'est pourquoi, comme un homme qui n'est pas encore sauvé, il fait des bonnes œuvres, il est habité par l'esprit du diable. Il est habité par l'esprit du diable. Il est séduit. Il est séduit. Ni fanye ko matendo mazuri Mungu ataniokoa hapana à travers ça c'est faux. Ni mafundisho ya bongo ya mazevu faux enseignement dénominationnel Les bonnes œuvres qui sont demandées aux croyants sont les bonnes œuvres faites en Christ. Ce n'est même pas, ce ne sont pas les œuvres des croyants, ce sont les œuvres de Christ dans les croyants. Amen. Aïna yako matendo. Ce ne sont pas tes actes à toi. Matendo yako ya bumuntu mzuri iko na majivuno ndani yayo. Ça va se vanter en eux. Iko na kiburi. Il y a de l'avantagisme, de l'orgueil. Ata mtu bien. Eko na saidi ya bantu. Il aide les gens. À un certain moment, il va se glorifier. Ate jitukuza. Mie, mie, mie. L'amour de Dieu ne se glorifie pas. Mapendo ya Mungu aitukuzake akifake itabake. Matendo nzuri le bonzevro ya mtu asipo kuamini iko sa matendo mzuri ya ba politicien. Bonzevro ka politicien fait une œuvre, il a un objectif, un intérêt particulier, un intérêt égoïste. Voyez bien mes frères. Non, on a un peu. Mais les bonnes œuvres, la kini matendo mzuri, faites en Christ, il est tout natenda nani à Christ, n'y a pas d'orgueil. Amuna kiburi. Pourquoi? Juanin. C'est la vie. Sababu ni bujima, ni maisha. C'est vrai, frère. Na kweli nduku. Avocat, hawezi kujita passé, mais na tosha m'avocat ya mingi. Muchi avocat, peut jamais se vanter de dire que j'ai produit beaucoup d'avocats. C'est pas sa vie. C'est lui qui est avec moi. C'est sa vie. Je te dis que je suis un peu beaucoup nourri les gens. Mina wa cholestérol ya mingi sana. Ma mili ya bantu. Ce n'est pas son problème. Lui, c'est sa vie. Il est un avocat. Il est un avocat. Il est un avocat. Il est un avocat. Mais l'avocat s'attend seulement à Dieu. C'est tout. C'est vrai, frère. C'est pourquoi vous voyez Dieu, la sagesse de Dieu avait un grand travail dans les bureaux d'études. Comme tous les hommes sont des pécheurs. Il arrive même, les méchants font du bien. Même les méchants. Même les méchants peuvent... Il fait élever de mon pied, il fait de bonnes choses. Chez beauté, nous tous, par notre naissance, kwetu, nous avons déjà été souillés par le péché. Zambi. Il n'y avait en nous aucune bonne œuvre que Dieu pouvait apprécier. Voilà pourquoi Esaïe dit, vous voyez, la justice de l'homme est un vêtement souillé devant Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand Dieu, après délibération, il voit que dans les deux groupes, il y a tous les hommes de toute espèce. Il a trouvé de bonnes personnes qui ne voulaient pas le salut. Vous voyez, il a trouvé de mauvais. Des mauvaises gens qui voulaient le salut, vice versa, dans les deux groupes, dans les deux catégories, Dieu a fixé une seule condition, la foi, voyez, la foi en lui. La foi dans son œuvre. Dieu a dit, Moi, je vais envoyer ma parole à tout le monde. À celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là, qu'il soit prostitué, qu'il soit devin, qui qu'il soit, je le sauve. À celui qui ne croit pas, qu'il soit vierge, la femme du pasteur, qui qu'il soit, je ne le sauve pas, il se condamne lui-même. Frère, c'est pour cela que Dieu exige la foi et non les œuvres dans l'élection, tout en laissant l'homme libre. Dieu est libre. Dieu t'a doté de ta liberté et tu es libre. Le libre arbitre, c'est un grand pouvoir, c'est un grand honneur que Dieu t'a fait, parce que tu étais un petit Dieu. Et aujourd'hui, tu es un petit Dieu déchu. L'Église est avec moi. Nous sommes des dieux tombés. Nous sommes des petits dieux. Libre arbitre Mubaya. Nous sommes tombés. À la différence de Dieu et nous, la seule différence dans la pensée de Dieu, c'est parce que Dieu lui est créateur et nous sommes des créatures. C'est ça la différence. Nous, lui, il est le Dieu qui vit par lui-même, qui n'existe pas lui-même. Mais nous, nous sommes des dieux créés par Elohim. C'est ça la différence. Maintenant, nous, les dieux créés, Dieu, pour montrer son amour, il a sa volonté, son libre arbitre, aux dieux créés, il les a aussi dotés de leur volonté, de leur libre arbitre. Quel amour! Quel amour de Dieu! Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu créé. Mais nous sommes des fils de Dieu engendrés. À cause de Christ aujourd'hui. C'est vrai, frère. C'est ça la seule différence. Nous sommes des petits dieux créés. Je disais, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme les autres ici. Comme les païens ici. Vous connaissez l'écriture. Il est écrit à Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les gens ici. Lisez. Angara bwingi kama napenda kusoma vitabu vya Frère Branham angalia les autres versets, je les donne comme ça. Mais qui jour il m'élève. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Quand vous recevez la révélation, tu ne seras jamais embrouillé. La foi est une condition incontournable pour tout homme dans l'élection. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas pour le coup mange. Là au début, nous vous avons dit que dans le plan que Dieu a conçu, il y avait la prédication de l'évangile, la prédication de la parole, l'évangile du salut. Vous voyez? Le conseil de la volonté a conseillé la volonté. Arrête ce problème là. C'est-à-dire que vous lisez la Bible. Même quand Dieu a donné la loi, il dit ceci: je mets devant vous la vie et la mort. Mais Dieu nous conseille, choisis la vie et tu vivras. C'est lui qui nous conseille. C'est l'amour. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi il ne veut pas notre mort? Il nous aide, c'est ça la grâce. La grâce vient vous dire, choisis la vie. Mais pourquoi on choisit la vie? C'est comme un homme. Il est en train de vendre la viande. Il y a la viande d'aujourd'hui. Tu viens payer la viande. Lui, il t'aime. Il aime ses clients, il dit. Je viens pour récupérer juste mon argent. Si tu viens, achète ça, ça c'est pour aujourd'hui. Il y a un zaman. Et ça date d'une année. Il y a bien. Ça c'est bon. Ça c'est pas ça. Ça il y a un mobile ici. C'est qui mon opio qui n'est pas grand. La viande elle est grande. Ça c'est le caléo. Comme nous faisons ce caléo. Pour aujourd'hui. Oui, ça m'a il a coupé ma nasse non. Par la varie. Il qui n'aime. Tu t'es dit. Dieu qui est né à mon famille. Ah ça ne va pas nous convenir dans la famille. Mais il qui n'aime. Ça va pas nous convenir. Mais qui a couru ça. Qui t'a coulé c'est la malaria. Ça va t'amener la maladie. Il comme un jour. Ou bien avec le canja ma caloco. Mukatane kaloko, kakupatie bujima, kakupatie afya. Mais ouais, ta main, mais toi, on est d'accord avec qui nous avons je vais t'aller prendre des choses. Tu t'es dit, mes enfants vont manger. Je vais manger. Tu es juste un enfant. Le vendeur lui-même t'a dit, c'est pour aujourd'hui. Il attend vers la décomposition. Même si tu attrapes la diarrhée, où est la faute du vendeur? Même toi-même ancien, le vendeur, où est la part de faute? Où est ton argent? Où est son problème? On te présente la femme ici, elle est à terre, celle-ci est très sombre. La faute de ton beau-père est où? Vous voyez? Non. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Ça va, si vous comprenez, j'arrête. Quand vous avez compris, je vais continuer. Parce qu'il faut que vous compreniez. D'où est-ce que tu vas tirer ta foi? Vous prouvez que depuis l'éternité, Dieu ne t'avait vu au Il y a d'autres problèmes. Dans la présence de Dieu. Que Dieu ne les a pas élus pourquoi? Il est chico. Les jours. Elohim a vu. Elohim, il est chico en tout ma mouvire. Il a envoyé son prédicateur. Avec des paroles. Yakupanda imani. Il va s'aimer. Dans Kasokota. Dans Kasokota. Et il est chico. Il est. Ces jours-là. C'est ce jour-là que Kasokota volontairement pour Kanisa. Anatana raison. Et il n'a même pas de raison, Anatana et Sabu. Mungana Tuma. Et Dieu a envoyé. Qui pouvait lui aider. Ça lui a passé outre. Et Dieu regarde. Et la Mungana reste à où? Ngari. Mwanjike mkitabu ya bakufu. Écrivez dans les livres des morts. Et Dieu aussi. Mwanjike mkitabu ya bakufu. Il écrit. Dans les livres des morts, Dieu vit. Voyez, donc très simple. Vous voyez comment le Saint-Esprit éclaire les choses. Pour que le monde yote, il fallait que nous Bible. Dieu a permis, si tu me sommes parfois chier, tu as pour m'expliquer par le Saint-Esprit dans les termes terre à terre pour que celui qui est élu comprenne et soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lève-nous pour la prière. Tushima menjo kumba. Je n'ai pas terminé. Je suis arrêté. Maliza, minashimamisha. L'élection. Uchakuzi. Mwelewe frère. Comprenez nduku. Ma condition. Dans les conditions. Que chacun de vous comprenne. Que dans les conditions de l'élection, dans les conseils de la volonté de Dieu, les bonnes œuvres n'ont pas été retenues pour choisir les gens. Non, bien-aimés frères, non, bien-aimés sœurs, tu vois une prostituée. Mais dans son cœur, il aime Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, il y a Rava, la prostituée. Il y a Marie, Madeleine. C'était un homme et une femme qui étaient possédés par des esprits. Il y a ce monsieur-là qui dormait dans les cimetières. Frère. C'est ça le mystère. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Oui, bien mes frères. Il a le désir d'être sauvé. Mais en lui, il cherche un sauveur. C'est bon ça. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça nous dépasse. Pour que tout le monde comprenne. Yeah. Remercions le Seigneur pour son grand amour. Merci, ton amour est insondable. Tes paroles sont vraies. Tu es